Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Jacques Messrine sait très bien qu'il est devenu l'ennemi public numéro un en France et que la police est à ses trousses. Bien conscient de la fin tragique qui l'attend peut-être, il enregistre ce message prémonitoire destiné à sa compagne avant de mourir le 2 novembre 1979. C'est ce jour-là que les hommes du commissaire Robert Broussard coincent la voiture de Messrine dans les rues de Paris et mettent fin à ses jours dans ce qui reste l'une des opérations policières les plus spectaculaires et à certains égards les plus controversées de toute l'histoire. Madame, Monsieur, bonsoir. 15h15, cet après-midi, porte de Clignancourt à Paris. Au milieu de la circulation, une fusillade éclate. Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tué net, Jacques Messrine et sa compagne, grièvement blessée, par les policiers de l'Office central de répression du banditisme qui avait tendu un véritable guet-apens à celui qui, depuis plus d'un an et demi, faisait courir et narguait toutes les polices de France. Avant d'aller plus loin, je vous propose de revivre les événements tels qu'ils se sont déroulés chronologiquement cet après-midi, porte de Clignancourt. C'est ici, au milieu de cette place de Clignancourt, que Jacques Messrine a été abattu. À 15h, sa BMW marron se faufile dans la circulation. Deux camionnettes de déménagement la bloquent à l'avant et à l'arrière. Des rafales de mitraillettes partent de l'arrière de la première camionnette. Jacques Messrine s'écroule mort sur son volant, sans avoir eu le temps de découpiller les grenades qu'il portait sur lui. Les inspecteurs se précipitent, évacuent de la voiture la fiancée de Messrine, grièvement blessée. Trois quarts d'heure après, le corps de Jacques Messrine est transporté hors de la BMW. Nous avons relevé 19 impacts de balles sur le pare-brise de la voiture. Les inspecteurs qui le suivaient depuis plusieurs jours n'ont rien laissé au hasard. Oui, rien n'avait été laissé au hasard cet après-midi. Tous les grands patrons de la police étaient là. Monsieur Ducré, patron de la PJ de Paris, le commissaire Broussard de l'anti-gang, et ils ne cachaient pas leur satisfaction. Combien d'hommes ? Une trentaine, c'est tout. Trentaine d'hommes ? Il y a combien de temps, commissaire, que vous le suiviez ? Vous aurez les détails tout à l'heure, les détails. Il n'y a pas une bavure ? Je vous signale. Non, absolument pas, la preuve. Extrait de l'émission « C'est la vie » diffusée à Antenne 2 le 2 novembre 1979, le jour où Jacques Messrine tombe sous les balles de la police. C'est la journaliste Martine Laroche-Joubert que vous entendiez entre autres dans cet extrait. Pour nous raconter le parcours pour le moins singulier de Jacques Messrine, je reçois mon collègue, le journaliste Marc Lorandeau. Marc Lorandeau, bonjour. Bonjour Jacques. Alors Marc, où le placez-vous, Messrine, dans ce tableau des plus grands criminels de l'histoire de France? Il est inscrit au panthéon des grands criminels de France, dans la continuité de Cartouche, brigand renommé, comme vous savez, chef de bande ayant sévi à Paris au 18e siècle. Il est aussi, Messrine, dans le prolongement de la bande à Bonneau, ce groupe de bandits anarchistes qui avait fait trembler la France au début du 20e siècle. Alors, Jacques Messrine avait en commun avec ces grands criminels le défi direct et même frontal qu'il lançait à l'État. Tout comme Cartouche et puis Jules Bonneau, il est mort jeune, 42 ans, très violemment lors d'une riposte de l'autorité, parce que l'État ne peut pas tolérer longtemps une pareille présence au sein du corps social. Une distinction importante, Jacques Messrine n'était pas porteur d'une idéologie. Ouais. Donc criminel, criminel notoire, criminel marquant, tellement qu'il est encore, je pense, Marc Lorandeau, présent dans les esprits en France. Qu'est-ce qu'il représente, Messrine, pour les Français aujourd'hui encore? Ben, il est un personnage qui est ébloui par son audace. Hein. On se souvient des braquages en Syrie, même dans un casino, des prises d'otages, des otages prestigieux, arrestations marquées au champagne, évasion, dis-je, rocambolesque, suivie de longues cavales. Alors, les Français ont retenu son côté flamboyant, son panache. C'était pas un chef de pègre, comme les personnages qui captivent nos voisins américains. Il s'appuyait sur des acolytes sûrs, mais il faisait pas partie de ce que la France appelle le milieu. Il avait du charme. Il parvenait à séduire une série de femmes qui lui sont restées très loyales. Et si on le compare aux grandes légendes, contrairement à Robin des Bois, il ne redistribuait pas aux pauvres ce qu'il prenait aux riches. et même s'il possédait le côté chevaleresque d'Arsène Lupin, à l'occasion, il pouvait être extrêmement violent. Il pouvait faire le baise-main à son avocate au moment d'une évasion, mais il avait quand même sauvagement battu sa seconde épouse, Maria de la Soledad. Il lui avait, imaginé, braqué le canon d'une arme dans la bouche. Alors, plein de contradictions. Ouais. Et on retient ça. Oui. Bon, Mesrine, quand on regarde son parcours, en fait, rien, en principe, ne le prédestine à cette carrière de criminel notoire qu'il va avoir. En fait, Marc Laurendeau, c'est quelqu'un qui appartient à la bourgeoisie commerçante parisienne. Comment il en vient à emprunter les chemins de la criminalité? Oui, bourgeois, dites-vous, ben les parents de Jacques Mesrine créent des broderies pour des maisons de couture. Ils vivent dans un petit logement, mais avec tout le confort de l'époque. Alors le petit Jacques, il n'aime pas l'école, et après 2 années, il est expulsé de son collège, il traîne à Pigalle, il est friand des films d'action, il en voit jusqu'à 2 par jour. Et avec ses copains, il visionne ça, puis il va faire son service militaire en Algérie, il va recevoir, pour avoir participé à 18 embuscades, la croix de valeur militaire avec étoile de bronze. Ça, c'est le bon côté. Ouais. Mais il va prendre goût au maniement des armes, en viendra à banaliser la violence et la mort. Alors, selon les témoignages de sa mère, le passage en Algérie a brisé le sens moral de Jacques Mesrine. Il lui a enlevé toute compassion. Il commet un braquage de banque, purge une première peine de prison, puis il commet différents vols en Espagne, en Suisse, en France. Il a des talents, c'est peu connu, là, mais un bureau d'architectes français retient ses services pour faire des maquettes. Et Jacques Mesrine va concevoir en 1963 la maquette du pavillon français pour Expo 67. Ce pavillon qui est devenu l'actuel casino de Montréal. Et c'est au Québec, de fait, qu'il va s'enfoncer davantage dans ce qu'on peut appeler la criminalité lourde, Marc Laurendeau. Comment il se retrouve au Québec et quel genre de crime il va commettre chez nous? Les policiers français sont à ses trousses. Il débarque au Québec avec sa compagne, Jeanne Schneider, une ancienne call girl. Les deux entrent au service d'un millionnaire handicapé, Georges Deslauriers, pour s'occuper de l'intendance dans sa maison. Survient une querelle, Mesrine et sa compagne sont congédiés. Il décide alors de l'enlever, ce millionnaire handicapé, Georges Deslauriers, contre rançon, mais il finit par s'échapper. Alors, Jacques Mesrine, Jeanne Schneider vont fuir à Percé. Les deux sont accusés du meurtre de leur aubergiste Evelyne Leboutillier. Et là, en août 69, Mesrine est jugé et condamné à 10 ans de prison pour l'enlèvement de Georges Deslauriers, Jeanne Schneider à 5 ans. Arrive ensuite la principale péripétie au Québec. En 71, procès pour meurtre d'Evelyne Leboutillier. C'est un procès qui se tient à cause d'un changement de venue à Montmagny. La preuve de circonstance est assez accablante. Ils ont laissé des empreintes digitales, ils ont été vus dans un bar des environs, et des bijoux de la victime sont retrouvés dans leur valise. Mais ils se font défendre, figurez-vous, par le plus habile criminaliste de cette époque, Raymond Daou, qui réussit à semer le doute et à obtenir un acquittement par le jury. Alors, c'est un peu ça qui est leur péripétie, leurs grandes aventures qui ont été retenues au Québec. Ouais. Il va quand même se retrouver derrière les barreaux au Québec. Et en 72, il va réussir à s'évader de la prison Saint-Vincent-de-Paul où il est incarcéré. Non content de s'être évadé, écoutez bien ceci, Marc Laurendeau, il va enregistrer ce message. Ça nous en dit beaucoup sur le personnage qu'il est. Il enregistre ce message destiné aux journalistes où il nargue la police et critique les conditions de vie des détenus à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Je veux surtout vous parler de la sécurité à l'unité spéciale. Sécurité qui, en fin de compte, prouve qu'elle est stupide, parce que s'il y avait sécurité, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Je peux vous affirmer une chose. La chambre à gaz à l'unité spéciale de correction, elle existe. J'ai vu des gars en sortir, et puis dans un drôle d'état. J'ai vu un petit gars qui est condamné à prison à vie. Je ne sais pas ce qu'il a fait, puis ce n'est même pas à moi de le juger. Revenir le visage complètement brûlé. En plus, il avait reçu des coups. On m'a dit qu'il avait reçu des coups. Je n'ai pas vu les coups qu'il avait reçus. Et j'ai vu les marques qu'il avait sur le visage. Et j'ai vu qu'il avait le visage complètement brûlé par les gaz. Quand M. Jean-Pierre Goyer, qui est honorable, je le respecte, c'est un homme très bien d'abord, mais quand M. Jean-Pierre Goyer dit que la chambre à gaz n'existe pas, une unité spéciale, je dis que c'est un menteur. Et le meilleur moyen de prouver que c'est un menteur, c'est qu'il a refusé aux journalistes d'aller visiter l'unité spéciale de correction. Peut-être que maintenant, si vous visitiez l'unité spéciale de correction, la chambre à gaz va peut-être être transformée en salon de réception pour journalistes. Hein, de toute façon, à Sing Sing et tout ça, maintenant, toutes les chambres à gaz sont devenues des salons de thé. Alors pourquoi pas? Alors, cette évasion de Jacques Mesrine de la prison à Saint-Vincent-de-Paul le 21 août 1972, ça constitue une manière de tour de force, Marc Laurendeau. Comment il réussit ce coup-là? Il va s'évader à travers une grille de la cour. Il avait remarqué, il avait observé que les rondes étaient moins fréquentes le week-end. Il va s'associer à quelques personnes qui vont préparer l'évasion. Et il va se procurer des limes. Alors, avec ces limes, il va faire un trou dans la grille de la cour. Et donc, ils vont s'évader de cette manière-là. Jean-Paul Mercier va être son principal complice dans cette évasion. Et il va lui enseigner les techniques d'un braquage bien réussi et comment se faufiler à travers les petites routes du Québec. Alors, oui, c'est une évasion qui va être suivie d'une cavale et puis de plusieurs crimes, plusieurs braquages faits par ces deux personnes, Mesrine et Jean-Paul Mercier. Et ils vont, comme on l'entendait, dénoncer publiquement les conditions de vie des détenus dans cette prison de Saint-Vincent-de-Paul. Mais oui, c'est un exploit de s'évader de ça. Figurez-vous que ça continue à être rocambolesque parce qu'ils abattent tous les deux deux gardes-chasse avant d'être rattrapés. En 72, il retourne en France où il reprend ses activités criminelles en développant ce qu'on pourrait appeler la méthode Mesrine. En quoi consiste cette méthode-là, Marc Laurendeau? C'est d'accumuler les séries de péripéties criminelles au point qu'elles deviennent presque invraisemblables, rocambolesques. Regardez, il enchaîne les braquages, commet plusieurs de ces braquages dans la même journée. Parfois, il effectue des doubles braquages en retournant voler la même banque le lendemain d'un premier vol. Alors, c'est ça la méthode Mesrine, surprendre tout le monde, être là où on ne l'attendait pas. Et cette méthode-là va marcher pour lui pas mal, en fait. Ça marche bien, mais pas toujours. Le 28 septembre 73, il est arrêté. Parfois, on le rattrape, Mesrine. Il est arrêté à son appartement de la rue Vergniaud à Paris. Cette arrestation-là va devenir d'ailleurs célèbre et ça nous montre le côté fantasque du personnage. Vous allez tout comprendre en écoutant l'extrait qui suit. Voici le commissaire Robert Broussard qui raconte l'arrestation de Mesrine des années plus tard, dans une émission diffusée à la télé française. Est-ce que ne vous a pas gêné, vous, de sabler le champagne avec Mesrine? Ben, figurez-vous que je préférais encore boire le champagne que lui tirer dessus. Bon. Ça peut vous surprendre. C'est une réponse, soir. C'est une réponse. Disons que Mesrine est localisé dans le 13e arrondissement. Dans un premier temps, nous arrivons, j'avais une dizaine d'hommes avec moi, et on savait très bien que ça allait être très dur comme arrestation. Résultat, c'est qu'à un certain moment, on perçoit un petit bruit. Je tape à la porte, je dis, ça y est, t'es marron, on t'a entendu. Il dit, mais qui est derrière la porte, là? Je dis, c'est Broussard. Et à partir de là, on continuait à discuter, jusqu'au moment où il me dit, Broussard, si tu es aussi gonflé que tu le dis, est-ce que tu serais capable de venir me chercher, seul, sans armes et sans gilet pare-balles? Je dis, oui, moi, je suis capable d'aller te chercher, seul, sans armes et sans gilet pare-balles. Mais toi, est-ce que tu serais capable de sortir, comme ça, sans armes? Et moi, je suis aussi courageux que toi, etc. Il fallait le prendre à son propre piège. C'était, comme il l'a dit Mesrine, c'était une histoire de parole de flic contre parole de truand. Ah oui. Voilà. Et il a accepté, effectivement, de se rendre. Alors. Et c'est à la suite de ça qu'il avait cette manie de claquer toujours des doigts. Et il dit à la jeune femme qui était à l'intérieur, « Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais... Hein, » voilà. C'est assez fascinant, cet extrait qu'on vient d'entendre. Ça nous en dit beaucoup sur le sacré numéro qu'était Jacques Mesrine. Parlez-nous de ça, justement, Marc Laurendeau, du personnage Mesrine. Comment le décrire? Mais ça fait ressortir le côté chevaleresque de Jacques Mesrine. C'est-à-dire, il mesure son vis-à-vis. Il sait à qui il parle. Robert Broussard, collier de barbe, une espèce de blouson en cuir, carrure de rugbyman. Il est le chef de l'escouade de l'anti-gang, si vous voulez, brigade de recherche et d'intervention. Alors là, il y a une théâtralisation. C'est un flic vedette, hein, flic médiatique aussi. Alors Mesrine théâtralise son arrestation. Cigare au bec, coupe de champagne en main. Il saisit l'occasion de rendre son arrestation spectaculaire et flamboyante. Il dit même... Hein, tu trouves pas que cette arrestation, elle a de la gueule? Ouais. Alors, Mesrine va dire à Broussard, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, ce sera dans la rue, et c'est celui qui tirera le premier qui aura raison. Ça, il va le dire quelques années plus tard au tribunal. Mais si vous voulez retenir une caractéristique, elle ressort dans cet enregistrement, c'est que Mesrine nargue la police. Il prend, à un moment donné, en juin 73, c'est avant cette arrestation, il prend un juge, revolver sur la tempe à Compiègne pour se couvrir et s'évader du palais de justice. Il va déclarer aussi en 77, au tribunal, je suis pas un ennemi public, je suis l'ennemi des banques. Le juge Charles Petit va alors le condamner en 77 à 20 ans de réclusion. Et pour se venger après une évasion, il va tenter d'enlever le juge Charles Petit. Et constatant l'échec, ben, il va assouvir sa vengeance en terrifiant la famille du juge. Alors, il nargue constamment. Ouais. Le 8 mai 78, il réussit, Jacques Messine, à s'évader du quartier de haute sécurité de la prison de la Santé à Paris. Et cette fois, donc, deuxième évasion, Saint-Vincent-de-Paul, souvenons-nous, deuxième évasion importante, et celle de cette prison de la Santé à Paris. Comment, cette fois-là, il réussit son coup? Bien, il demande de rencontrer son avocate au parloir, et puis au milieu de l'entretien, figurez-vous, il monte sur la table, retire du plafond, des armes, une corde, un grappin, une capsule lacrymogène. C'est évidemment un complice qui avait préalablement placé ça là. Il prend congé de son avocate, lui baise la main, et puis, avec un complice, François Besse, il maîtrise les gardiens, et puis tous les deux revêtent les uniformes. Les deux détenus escaladent la muraille, s'enfuient. Il y en a un troisième qui essaie de les suivre, mais il est tué. Peu après, Jacques Messrine et son compagnon, François Besse, effectuent un vol à main armée dans un lieu de grande renommée, le casino de Deauville. Alors, toute la France est secouée devant une telle audace. Ouais. Et ce qui fait qu'il est de nouveau en liberté, mais devient l'ennemi public numéro un, la police française est à ses trousses, veut le rattraper. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'on le cherche si ardemment et intensément, il donne tantôt une entrevue au Paris Match, tantôt une entrevue à Libération. Comment décrire ce rapport qu'a Messrine avec les médias? Ben, il pousse le culot, vous le disiez, jusqu'à accorder une entrevue et un reportage photographique hein, avec la journaliste Isabelle Pelletier à Paris Match, jeune journaliste. On le voit, revolver de haut calibre à la ceinture, justifiant sa conduite à la journaliste. C'est que par l'intermédiaire de la presse, il provoque l'État. Et les policiers sont furieux. Nous, on ne peut pas l'attraper, puis il est accessible pour la presse « People ». Alors, à d'autres moments, il dénonce les conditions des détenus dans les quartiers haute sécurité. Il interpelle Alain Perfitte, ministre de la Justice, sur les quartiers haute sécurité dans les prisons. Alors, quand les journalistes critiquent Messrine, là, il les menace. Bien plus, il va les rouer de coups, les blesser par balles. Alors, il soigne son image, hein, puis il interpelle constamment l'État à travers les médias. Donc, le provocateur, cet homme qui nargue, en fait, tout ce qui, de près ou de loin, touche ou tourne autour de l'autorité. En juin 1979, Messrine kidnappe le milliardaire Henri Lelièvre. À la suite de cet événement-là, il y a une unité qui va être créée, une unité anti-Messrine. Est-ce que c'est cet enlèvement-là, Marc Laurendeau, un point tournant dans ce bras de fer qui oppose Messrine aux autorités françaises? On dirait que c'est l'énorme goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que Messrine et son complice obtiennent une rançon colossale pour la libération du vieux roi de l'immobilier, là, Henri Lelièvre. Et là, le président Valéry Giscard d'Estaing n'en peut plus. Il presse le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, d'obtenir des résultats. Le ministre Christian Bonnet est aux abois. Il demande qu'on mette fin aux luttes bureaucratiques. Les luttes de territoire, les luttes de juridiction entre Robert Broussard, patron de l'Antigang, et Lucien Aimé Blanc, chef de l'Office central pour la répression du banditisme. Alors, Messrine n'a que trop profité de leur rivalité, de leur bataille de coq. On crée même une unité anti-Messrine. Et toutes les polices doivent s'entendre. Alors, on le repère. Et là, il faut régler le problème. Là. C'est devenu intolérable dans les hautes sphères du pouvoir. Ouais. Et c'est le 2 novembre 1979 qu'on lui met la main au collet. Il est abattu par la police française. On y revient à cette fameuse opération. À nouveau, la journaliste Martine Laroche-Joubert et le commissaire Robert Broussard qui reviennent des années plus tard sur cette fameuse opération du 2 novembre 1979 à la télé française. En tout cas, sa perruque, elle était posée sur le capot de la BMW. Elle était restée là longtemps. De même que le corps de Messrine était resté longtemps dans la voiture. Donc j'avais l'impression d'une mise en scène. Et puis je me rappelle de vous, vous aviez un sourire que personnellement je trouvais ça trop. J'avais l'impression d'être dans un film de cow-boy et de gangster. C'est vrai qu'il y avait une satisfaction de ma part, car il faut se mettre un instant à la place du chef du dispositif. Voilà un type qui était recherché pour de multiples affaires, d'assassinats, de hold-up, de prise d'otages, qui était recherché depuis X années, aussi bien en France qu'à l'étranger, notamment au Canada, où il avait massacré deux gardes forestiers. Et lorsque, finalement, l'opération se termine de cette façon, Certes, il y a eu un mort, c'est un mort de trop, je le reconnais, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Mais lorsqu'on échappe quand même à un carnage, parce qu'on pouvait risquer le carnage, Mesrine m'avait prévenu. Il avait même adressé un courrier à un journal, Libération, où il avait dit « Dites à Broussard que j'ai acheté des grenades tchèques défensives et incendiaires, c'est-à-dire avec des éclats qui sont mortels à 80 mètres, des grenades incendiaires, c'est-à-dire au napalm, laissons, imaginons un seul instant, des grenades balancées au milieu de ces voitures, au milieu de ces témoins. » C'était le carnage. C'était le carnage. Donc vous nous dites, c'était pas une embuscade, on n'avait pas l'intention de le tuer, on souhaitait l'arrêter, c'est ça? Oui, Mesrine le savait très bien. Que dire, Marc Laurendeau, de cette opération policière du 2 novembre 1979? Ils n'ont pas fait le choix d'aller l'arrêter chez lui. La configuration des lieux s'y prêtait pas. Ils ne pouvaient pas faire de poste d'observation en face, disent-ils. Alors, les unités d'élite ont encerclé la BMW, qu'il venait de s'acheter, d'ailleurs, Jacques Mesrine. Et il y avait sa compagne, Sylvie Jean-Jaco, jolie italienne, qu'il avait rencontrée dans un bar, qui était sa compagne depuis 18 mois. Ils avaient pris place. Alors, au carrefour de la porte Clignancourt, il y a un petit camion qui croise la BMW. Jacques Mesrine laisse passer le camion. Le camion laisse tomber une bâche et là, quatre tireurs qui tenaient le couple en joue ont tiré sans sommation, selon des témoins sur place. Et Mesrine avait déjà dit quand même qu'il essaierait de tirer le premier. Les policiers disent qu'ils l'ont vu esquisser un geste, sans doute pour saisir une grenade. Mais vous devinez bien, Jacques, qu'il y a eu une immense polémique. Plusieurs ont trouvé les policiers un peu trop expéditifs, même triomphalistes. Et malgré les poursuites des proches et de la famille de Mesrine, la Cour de cassation, le plus haut tribunal du pays, a conclu en 2006, 27 ans après, que le but de l'opération n'était pas d'interpeller Mesrine et qu'aucune pièce au dossier n'a révélé un dessein homicide avant l'action. C'est ce qu'on appelle un non-lieu définitif. Mais pour vous commenter cette affaire, ça a traîné longtemps et la justice française l'a laissé traîner pour finalement résoudre ça en cour de cassation. Mais ceux qui connaissaient le parcours antérieur de Mesrine pouvaient invoquer son immense détermination. Et le fait, par exemple, de lui dire « Mesrine, tu es cuit, rends-toi », la fraction de seconde que les tireurs d'élite auraient perdu à ce moment-là, ça aurait été assez pour qu'il envoie une grenade. On pouvait invoquer ça valablement. Oui. Dès que la bâche est tombée, ils ont tiré. Et la fraction de seconde d'avant, les policiers disent avoir vu l'effroi dans ses yeux. C'est pas une sommation, ça. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Marc. Bonheur réciproque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.